Les parents terribles ont été représentés pour la première fois au théâtre des ambassadeurs le 14 novembre 1938. Personnages: Yvonne, Léonie, Madeleine, Georges, Michel. Note: les chambres seront celles de cette famille en désordre et de Madeleine, le contraire. Un seul détail obligatoire, les décors très réalistes seront construits assez solidement pour que les portes puissent claquer. Léo, Léonie, répète souvent chez vous, c'est la maison des portes qui claquent. Acte 1er, la chambre d'Yvonne. Au second plan à gauche, porte de la chambre de Léo. Au premier plan à gauche, fauteuil et coiffeuse. Au fond à gauche, porte sur l'appartement. Au fond à droite, de face aussi, porte de la salle de bain qu'on devine blanche et très éclairée. Au deuxième plan à droite, porte d'entrée sur le vestibule. Premier plan à droite, de profil, le lit très vaste et très en désordre. Fourrure, châle, etc. Au bout du lit, une chaise. Centre au fond, chiffonnier. Près du lit, petite table avec lampe. Lustre central éteint. Des peignoirs traînent. Les fenêtres sont censées ouvertes sur le mur idéal. Il en arrive une lumière sinistre, celle de l'immeuble d'en face. Pénombre. Scène première. Lorsque le rideau se lève, Georges court du cabinet de toilette à la porte de Léo et crie en claquant cette porte. Hey, « Léo, Léo, vite! Vite, où es-tu? Michel a donné signe de vie. Hey, il s'agit bien de Michel, dépêche-toi! » Léo ouvre la porte, elle entre en passant une robe de chambre élégante. Qu'a-t-il? Georges, Yvonne s'est empoisonnée. Quoi? L'insuline, elle a dû remplir la seringue. Où est-elle? Là, là, dans le cabinet de toilette. Yvonne ouvre la porte entrouverte du cabinet de toilette et apparaît en peignoir éponge livide, se tenant à peine debout. Léo, Yvonne, qu'est-ce que tu as fait? Elle traverse la scène et la soutient. Yvonne! Yvonne fait un signe, le signe non. Parle-nous, parle-moi! Sucre. Je vais téléphoner à la clinique. C'est dimanche, il n'y aura personne. Léo, reste! Vous perdez la tête, heureusement que je suis là. Elle couche Yvonne sur le lit. Tu ne sais pas encore qu'il faut manger après l'insuline et que si on n'a pas mangé, il faut du sucre. Genre, ah, mon Dieu! Il entre dans le cabinet et sort, un verre d'eau à la main. Léo le lui prend et fait boire Yvonne. Léo boit. Essaye, fais l'impossible. Ne te crispe pas, ne te laisse pas aller. Tu ne veux pas mourir sans avoir revu Michel. Yvonne se soulève et boit. Georges, que je suis bête. Sans toi, Léo, elle mourrait. Je la laissais mourir sans comprendre. Yvonne, ah, ouf. Ah, merci Léo. Voici ce qui est arrivé. J'étais seul, il était 5 heures, c'est l'heure de ma piqûre. J'ai pensé que ce serait une distraction. Une fois la piqûre finie, j'ai cru entendre l'ascenseur qui s'arrêtait à l'étage. J'ai couru dans l'antichambre, je m'étais trompé. En revenant dans la salle de bain, je me suis presque trouvé mal. Georges est arrivé par miracle. Georges, par miracle. Je venais voir si tu dormais un peu, Léo. Les voilà avec leur miracle. Tu travailles dans la lune, tu as entendu sonner 5 heures pendant la lune, et tu as marché dans la lune jusqu'à la chambre d'Yvonne. Georges, c'est possible, Léo. Tu es plus forte que moi. Je croyais être venu chez Yvonne par hasard. Yvonne, par miracle, mon bon Georges. Sans toi, Georges, et sans Léo, Yvonne. Eh, voyons, sans vous, je risquais de rendre beaucoup de mal pour un peu de mal, Georges. Pour beaucoup de mal, Yvonne. Je ne vois qu'une chose. Michel n'est pas rentré hier soir. Michel a découché. Michel n'a donné aucun signe de vie. Michel te connaît. Il devine l'état où tu dois être. Tu as oublié le sucre parce que tu as les nerfs à bout. C'est monstrueux, Yvonne. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. Un dimanche, on ne trouve personne. Peut-être qu'un de ses camarades n'ose pas nous téléphoner, nous prévenir. Georges, les choses graves, Yvonne, on les apprend tout de suite. Non, non, c'est incroyable. Il prononce ce mot en séparant les lettres d'une manière spéciale et comme entre guillemets. Yvonne, mais où peut-il être? Où est-il? Léo, écoute, Yvonne. Après ce choc, ne t'excite pas. Georges, ne t'excite pas et ne l'excite pas. Retourne à ton travail, je t'appellerai si nous avons besoin de toi. Yvonne, essaye de travailler. Georges, il se dirige vers la porte de face au fond à gauche. J'aligne des chiffres, je me trompe et je recommence. Il sort. Yvonne, Léo. Où cet enfant a-t-il couché? Comment ne se dit-il pas que je deviens folle? Comment ne me téléphone-t-il pas? Enfin, c'est pas difficile de téléphoner, Léo. Oh, ça dépend. S'il faut mentir, les êtres propres, neufs, maladroits, comme Michel, détestent téléphoner, Yvonne. Et pourquoi Michel mentirait-il? De deux choses l'une. Ou bien il n'ose ni rentrer, ni téléphoner, ou bien il se trouve si bien ailleurs qu'il ne pense ni à l'un ni à l'autre. De toute manière, il cache quelque chose. Moi, je connais Mick. Tu ne vas pas m'apprendre à le connaître. Oublier de rentrer, il n'en est pas question. Et s'il n'ose pas prendre le téléphone, c'est peut-être qu'il court un danger mortel. Peut-être qu'il ne peut pas téléphoner. On peut toujours téléphoner. Michel peut et ne veut pas téléphoner. Yvonne, depuis ce matin, tu es drôle. Tu as l'air trop calme. Tu sais quelque chose. Je ne sais pas quelque chose. Je suis sûr de quelque chose. Ce n'est pas pareil. De quoi es-tu sûr? Oh, ce n'est pas la peine de te le dire. Tu ne le croirais pas. Tu t'écrirais sans doute. C'est incroyable. Car c'est incroyable ce que vous pouvez tous employer ce mot depuis quelque temps. Écoute, c'est un mot de Michel possible. Mais quelquefois, un mot arrive du dehors. Dans une famille qui l'adopte, il est apporté par l'un ou par l'autre. Je trouve votre incroyable un petit air d'enfant volé. D'où vient-il? Je me le demande. J'aimerais beaucoup savoir d'où il vient. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que des maniaques, des fous, des romanichels, des voleurs d'enfants, une famille qui habite une roulotte. Léo, tu plaisantes, Yvonne? Parce que j'ai dit que vous habitiez une roulotte, mais c'est exact. Je le répète. Et il est exact aussi que vous êtes des fous. Yvonne, la maison est une roulotte, j'en conviens. Nous sommes des fous, j'en conviens. À qui la faute? Tu vas me sortir, grand-père. Qui collectionnait des points et virgules? Il comptait les points et virgules de Balzac. Il disait, j'ai 37 000 points et virgules dans la cousine bête. Et il croyait se tromper et il recommençait ses calculs. Seulement, à l'époque, on ne disait pas un fou, on disait un maniaque. Aujourd'hui, avec un peu de complaisance, tout le monde passerait pour fou, Léo. Mettons que vous soyez des maniaques. Tu le reconnais? Toi aussi, dans ton genre, tu es une maniaque. Léo, c'est probable, une maniaque d'ordre, comme vous êtes des maniaques de désordre. Tu sais fort bien pourquoi notre oncle m'a légué sa très petite fortune. Il sous-entendait que je vous ferais vivre. Léonie, ah, ne te fâche pas. Je ne formule aucun grief. Personne n'admire Georges plus que moi. Et je suis trop heureuse que, grâce à ce legs, il puisse poursuivre ses recherches. Alors, toi, que tu prennes ses recherches au sérieux, ça me dépasse. Tiens, Georges, voilà le type du maniaque. Perfectionner le fusil sous-marin. Entre nous, c'est ridicule à son âge, Léo. Georges est un enfant. Il n'a lu que ses livres d'école et Jules Verne. C'est un bricoleur, mais c'est un inventeur. Tu es injuste, Yvonne. L'affaire des munitions, j'admets. Parce que Georges est un ami de collège du ministre. J'admets bien que la commande traîne. Quant au fusil sous-marin à balles, veux-tu que je te dise ce que j'en pense? Il manquait à la roulotte un tireur sous-marin. Moi, avec mes vieux peignoirs et mes réussites, je suis la tireuse de cartes. Toi, la dompteuse. Ah, tu serais superment dompteuse. Et Mick, un Mick. Elle cherche, Léo, la huitième merveille du monde. Yvonne, tu es méchante, Léo. Je ne suis pas méchante, je t'observe depuis hier, Yvonne, et je me félicite d'avoir apporté un peu d'ordre dans la roulotte. En ce monde, il y a les enfants et les grandes personnes. Je me compte, hélas, parmi les grandes personnes. Toi, Georges, Mick, vous êtes de la race des enfants qui ne cessent jamais de l'être, qui commettraient des crimes. Chut, écoute. Yvonne, écoute, silence. Ah non, je croyais entendre une voiture. Tu parlais de crime, si je ne m'abuse, tu nous traitais même de criminels. Léo, comme tu écoutes mal, je te parlais de crimes qu'on peut commettre par inconscience. Il n'existe pas d'âme simple. N'importe quel prêtre de campagne te dira que le moindre village abrite des instincts de meurtre, d'inceste, de vol, qu'on ne rencontre que dans les villes. Non, je ne vous traite pas de criminel, au contraire. Une vraie nature de criminel est quelquefois préférable à cette pénombre où vous vous complaisez et qui me fait peur. Yvonne, Mick a sans doute bu une goutte de champagne, il n'a pas l'habitude, il est resté chez un camarade, peut-être dort-il, peut-être a-t-il honte de sa fugue. Je le trouve impardonnable de m'avoir fait passer cette nuit d'angoisse et cette journée sans fin. Bon, je t'avoue que je ne peux pas le trouver criminel. Léo, elle s'approche du lit d'Yvonne. Yvonne, je voudrais savoir si tu te moques de moi. Hein? Léo, elle lui lève le visage par le menton. Non. Je croyais que tu crânais, que tu jouais un rôle. Je me trompais, mais tu es aveugle. Yvonne, explique-toi, Léo. Michel a passé la nuit chez une femme. Michel, tu perds la tête, Mick est un enfant. Tu le disais toi-même il y a une minute. C'est toi qui perds la tête. J'ai dit que vous étiez, toi, Georges et Michel, d'une race d'enfants, une race dangereuse, que j'opposais à la race des grandes personnes. Mais Michel n'est plus un enfant, à la manière dont tu l'imagines. C'est un homme, Yvonne. Il n'a pas fait son service, Léo. À cause de ses bronches et du ministre, ma chère Yvonne, ce service libérait Michel. Il ne fallait aucun prix qu'il s'éloigne. Il a 22 ans, Yvonne. Eh bien, Léo, tu es fantastique. Tu sèmes, et tu ne vois même pas la récolte. J'ai semé quoi? Et je récolte quoi? Tu as semé du linge sale, des cendres de cigarettes, que sais-je, et tu récoltes ceci, que Michel étouffe dans votre roulotte et qu'il a fallu qu'il cherche de l'air, Yvonne. Et tu prétends qu'il cherche de l'air chez des femmes, qu'il fréquente des grues. Ah, Léo, voilà le style des familles. J'y reviens. Sais-tu pourquoi Michel n'a pas téléphoné? Pour ne pas entendre au bout du fil, rentre mon enfant, ton père a à te parler, ou quelque baliverne de ce genre, et c'est moi. Moi qui veille sur la roulotte, moi l'ordre, moi la maniaque d'ordre, la seule à ne pas me draper dans les vestiges de la bourgeoisie. Qu'est-ce qu'une famille bourgeoise? Je te le demande. C'est une famille riche, en ordre, avec des domestiques. Chez nous, pas d'argent, pas d'ordre et pas de domestiques. Les domestiques restaient 4 jours, il a fallu que je m'arrange. Grâce à une femme de ménage qui ne vient pas le dimanche. Mais les phrases et les principes tiennent bon. L'épave de la bourgeoisie. Nous ne sommes pas d'une famille artiste. Nous n'avons pas le type bohémien. Alors, Yvonne, mais qu'est-ce que tu as, Léo? Tu t'exaltes? Léo, je ne m'exalte pas. Mais il y a des moments où votre roucoulade, votre épave dépasse les bornes. Sais-tu pourquoi une montagne de linge sale s'empile au beau milieu de la chambre du Michel? Sais-tu pourquoi Georges pourrait écrire ses calculs dans la poussière de sa table d'architecte? Pourquoi la baignoire bouchée depuis une semaine n'est pas encore débouchée? Eh bien, c'est que quelquefois j'ai une espèce de jouissance à vous laisser vous enfoncer, vous enfoncer, vous enliser, à voir ce qui arriverait si ça continuait. Et puis, ma manie d'ordre prend le dessus et je vous sauve. Yvonne, et sans toi, notre roulotte aurait poussé Michel à se chercher un intérieur chez une femme. Léo n'est pas le seul. Yvonne, tu parles de Georges? Je parle de Georges. Tu accuses Georges de me tromper? Je n'accuse personne. Puisque je ne profite pas des avantages de la bourgeoisie, je me refuse aux mensonges qui viennent d'une vieille habitude sinistre de chuchoter et de fermer les portes dès qu'on parle de naissance, de fortune, d'amour, de mariage ou de mort. Yvonne, tu as découvert que Georges me trompe, Léo. Tu le trompes bien, toi? Moi? Moi, je trompe Georges, et avec qui? Depuis le jour de la naissance de Michel, tu as trompé Georges. Tu as cessé de t'occuper de Georges pour ne t'occuper que de Michel. Tu l'adorais, tu en étais folle, et ton amour n'a fait que grandir tandis que Michel grandissait. Ils grandissaient ensemble, et Georges restait seul. Et tu t'étonnes qu'il ait cherché de la tendresse ailleurs. Tu croyais naïvement que la roulotte n'avait qu'à être une roulotte. Yvonne, en admettant que toutes ces folies soient véritables, que Georges, qui ne s'intéresse à rien en dehors de ses soi-disant inventions, est une maîtresse, et que Michel, qui me raconte tout, pour qui je suis un camarade, ait passé la nuit chez une femme, pourquoi donc avoir tant tardé à me l'apprendre? Léo, je ne te croyais pas aveugle, je pensais, c'est impossible, Yvonne s'arrange, elle ferme les yeux. Yvonne, Georges encore aurait des excuses. Après 20 ans de mariage, l'amour change de forme. Il existe une parenté entre époux qui rendrait certaines choses très gênantes, très indécentes, presque impossibles. Hein, Léo, tu es une drôle de femme, Yvonne. Yvonne, non, mais je dois te paraître drôle parce que tu me considères de si loin. Pense donc. Tu as toujours été très belle, ondulée, tirée à quatre épingles, élégante, brillante. Et moi, je suis mise au monde avec un rhume des foins, avec des mèches de travers, avec des peignoirs criblés de trous de cigarettes. Si je mets de la poudre ou du rouge, j'ai l'air d'une grue. Léo, tu as 45 ans et j'en ai 47. Tu as l'air plus jeune que moi. Georges ne t'en a pas moins choisi. Nous étions fiancés, tout à coup il a décidé que c'était toi qu'il voulait, toi qu'il épousait. Yvonne, tu n'y tenais pas beaucoup, tu nous as presque poussés l'un vers l'autre. Léo, cela me regarde. Je respecte Georges, j'ai craint que chez moi tout ne se passe ici. Elle montre son front. Chez toi tout se passait là et là. Elle désigne son cœur et son ventre. Je ne savais pas que tu voulais si fortement un fils. Et vous autres, gens de la lune, ce que vous voulez, on vous l'accorde, et que tu deviendrais folle de ce fils, au point de lâcher Georges. Yvonne, Georges pouvait se réfugier auprès de toi. Léo, tu aurais voulu que je couche avec Georges pour t'en débarrasser. Je reste vieille fille, merci. Yvonne, écoute, Léo, et du reste, il n'a aucun mérite, il n'aurait pas voulu de moi. Il cherche la jeunesse. Tiens, tiens, tiens, ton incrédulité ne change pas mon opinion. Tu t'es faite détective. Je ne moucharde pas Georges, il est libre, Michel est libre, mais il y a des indices qui ne tromperaient pas une femme aussi femme que moi. Même si elle est restée vieille fille, il y a un fantôme de femme, un fantôme de très jeune femme qui circule dans la maison. Yvonne, c'est incroyable, Léo. Et voilà, cet incroyable dont je te parlais, il nous arrive de Georges. Il l'avait avant Michel, il l'a donné à Michel, et il te l'a donné comme une maladie honteuse. Et sans doute Michel aussi me trompe, je veux dire, me mentait. Le terme était exact, inutile de te reprendre. Il te trompait, il te trompe. Je ne peux pas l'imaginer, c'est impossible. Je ne veux pas et je ne peux pas l'imaginer. Tu supportes d'imaginer un Georges qui te trompe, ce spectacle te laisse tranquille. Michel, c'est une autre affaire. Tu mens. J'ai toujours été pour Michel un camarade. Il peut tout me dire. Aucune mère n'est le camarade de son fils. Le fils devine vite l'espion derrière le camarade et la femme jalouse derrière l'espion. Je ne suis pas une femme aux yeux de Mick. C'est ce qui te trompe. Michel n'est pas un homme à tes yeux. C'est le petit Michel que tu portais dans son lit et que tu laissais entrer et jouer dans ton cabinet de toilette. Aux yeux de Michel, tu es devenue femme. Et c'est là que tu as eu tort de n'être pas coquette. Il t'a observé, jugé, il a quitté la roulotte. Et où le pauvre Michel trouverait-il le temps de se consacrer à une femme mystérieuse? Léo, et tu as la naïveté de croire que Michel ne passe pas entre les mailles du filet. C'est lui qui refusait de sortir. Lui en as-tu donné souvent l'occasion? As-tu cherché à ce qu'il rejoigne des bandes de jeunes gens et de jeunes filles? Avais-tu admis d'envisager son mariage? Le mariage de Mick? Parfaitement, beaucoup de jeunes gens se marient à 23 ans, 24, 25 ans. Mais Mick est un bébé. Et s'il n'était plus? Je serais la première à lui chercher une femme, oui. Une jeune fille bien laide et bien stupide, qui te permettrait de garder ton rôle et de surveiller ton fils. C'est faux. Michel est libre, Alors, la mesure où je peux laisser libre un garçon très naïf et très recherché. Je te mets en garde, n'essaye pas de chambrer Michel, il pourrait s'en apercevoir et t'en vouloir. Ah, je ne te savais pas si grande psychologue. Oh, mon Dieu, bon, on sonne à la porte. Sonnerie dans l'antichambre. Oh, vas-y, Léo, vas-y, vas-y. Je n'aurai pas la force de me tenir debout. Léo sort par la porte de droite. À peine seul, Yvonne saisit le sac oublié par Léo sur le lit, l'ouvre, se regarde dans la petite glace, se poudre les coins du nez, se recoiffe, la porte s'ouvre. Elle a juste le temps de jeter le sac où il était entre Léo et Georges. Georges allume. Yvonne se détourne. Qu'est-ce qui allume? Georges, c'est moi, j'éteins, j'avais cru. Il fait si sombre dans ta chambre, Yvonne. J'aime l'obscurité. Qui était-ce, Léo? Un client du docteur au-dessus qui se trompait d'étage, nous lui avons évité un étage. Tous les dimanches, le docteur est à la chasse. Georges. Rien de neuf? Rien. Jusqu'à ce coup de sonnette. Georges, le professeur aussi est à la chasse. On serait malade, le dimanche, on peut mourir. Yvonne. Vrai, je suis idiote, il a les clés. Georges, il est intolérable que les clés de l'appartement traînent n'importe où. Yvonne. D'autant plus qu'il a pu les perdre. Georges, un beau jour, on s'étonne d'être assassiné. Il doit me les rendre. Léo, il est dommage que l'on ne puisse pas enregistrer votre dialogue. Ils sont tous groupés au premier plan pendant qu'ils parlent. Michel entre sans être entendu par la porte de droite. Il a l'air gai d'un garçon qui a fait une farce. Yvonne. Quelle heure est-il, Michel? 6 heures! Tous se lèvent d'un bond, Yvonne elle-même debout près du lit. Michel. Ce n'est pas mon spectre, c'est moi! Georges. Michel! Tu as fait une peur effroyable à ta mère, regarde-la! Comment es-tu entré? Michel, pendant que Léo recouche Yvonne. Par la porte, j'ai monté l'escalier 4 à 4, je n'ai plus de souffle. Sophie! Qu'est-ce que tu as? Georges. D'autres, je trouve indécent qu'à ton âge, tu t'obstines à appeler ta mère Sophie. Yvonne, Georges, c'est une vieille taquinerie qui sort de la bibliothèque rose. Ce n'est pas grave. Ta mère n'est pas bien du tout, Michel. Sophie, c'est moi qui t'ai mise dans un état pareil. Il s'approche pour embrasser sa mère et leur pousse. Laisse, Michel, vous en faites des figures. On dirait que j'ai commis un crime. Georges, tu n'en es pas loin, mon petit. Ta mère a failli mourir d'inquiétude. Michel, je rentrais fou de joie de vous voir, de retrouver la roulotte, d'embrasser maman. Je suis consterné. Y a de quoi? D'où viens-tu? Bah, laissez-moi souffler un peu, je n'en ai que trop à vous dire. Léo à Georges. Tu vois? Michel, tante Léo n'a pas perdu la tête, comme d'habitude. Léo, on pouvait la perdre la tête, Michel. Je ne plaisante pas. Aujourd'hui, je ne trouve pas l'état de ta mère excessif. Qu'est-ce que j'ai fait? Georges, tu n'es pas rentré hier soir. Tu as découché. Tu ne nous as pas prévenu de l'heure à laquelle tu reviendrais. Eh, j'ai 22 ans, papa, et c'est la première fois que je découche. À vous, Yvonne, d'où viens-tu? Ton père t'a demandé d'où tu venais. Michel, écoutez mes enfants. Oh, pardon, écoute, écoute papa, écoute tante Léo, ne gâchez pas mon plaisir. Je voulais, tu voulais, c'est ton père qui commande ici. Du reste, il a de parler. Tu vas le suivre dans son bureau. Léo les imitant. Incroyable. Michel, non, Sophie, d'abord, papa n'a pas de bureau, il a une chambre très mal tenue. Ensuite, je voudrais te parler à toi seul d'abord. Ah, Yvonne, si Mick a quelque chose sur le cœur, il est normal qu'il veuille le confier à sa mère. Georges, retourne à ton travail, emmène-le, Léo. Michel, papa, tantine, il faut pas m'en vouloir, je vous dirai tout, j'éclate. Yvonne, ce n'est pas grave, n'est-ce pas, Mick? Michel, oh, non, oui et non. Yvonne, Georges, tu l'intimides. Michel, papa m'intimide et toi, tante Léo, t'es trop maligne. Yvonne, moi, je suis son camarade. Tu vois, Léo, je te l'avais dit. Eh bien, bonne chance. Viens, Georges, quittons le confessionnal. Elle se détourne. Tu ne veux pas que je t'éteigne? Tu avais grondé Georges parce qu'il allumait. Yvonne, c'était le lustre, la lampe ne me gêne pas. Il sort par le fond à gauche. Georges, avant de sortir. J'ai à te parler, mon petit. Je ne te tiens pas quitte, Michel. Entendu, papa. Il ferme la porte. Michel, Sophie, ma petite Sophie adorée, tu m'en veux? Il s'élance, l'embrasse de force. Ah, tu ne peux pas m'embrasser sans bousculer, sans vous tirer les cheveux. Ah, non, ne m'embrasse pas dans l'oreille. J'ai horreur de ça. Michel! Jure-moi de ne pas prendre l'air famille, de prendre l'air roulotte. Jure-moi que tu ne pousseras pas de cris, que tu me laisseras m'expliquer jusqu'au bout. Jure-le, je ne jure rien du tout. Tu vois? Dehors, on doit te flatter, t'encenser, et quand moi je dis ce qui est, Sophie, laisse-moi monter sur ton lit, j'ôte mes souliers. Ah, me fourrer pas de toi, mettre mon cou sur ton épaule. Je n'aimerais pas que tu me regardes. Nous regarderons ensemble, droit devant nous, la fenêtre de l'immeuble d'en face, la nuit, chevaux de roulotte pendant une halte. Hein? Ces préparatifs ne présagent rien de bon. Tu m'as promis d'être très, très gentille. Je n'ai rien promis du tout. Ils gardent la pose tandis que leurs visages sont éclairés par une lumière qui doit venir de la fenêtre et qui est peut-être celle de l'appartement d'en face. Est-ce que tu es méchante? Ah, ne m'enjôle pas. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. Plus on traîne, plus c'est difficile. Tu as des dettes. Sophie, taisez-vous. Ne soyez pas absurde. Michel, taisez-vous. Je me tais, Michel. Parle, je t'écoute. Michel assez vite et avec un peu de gêne. Pendant qu'il parle, sans voir sa mère, la figure d'Yvonne se décompose jusqu'à devenir terrible. Sophie, je suis très heureux et je voulais attendre d'être sûre de mon bonheur pour t'en faire part. Parce que si tu n'es pas heureuse en même temps que moi, je ne pourrai plus l'être. Tu comprends? Imagine-toi que j'ai rencontré au cours une jeune fille. Le cours n'est pas mixte. Ah, veux-tu m'écouter? Je n'allais pas chaque fois au cours de dessin. Je parle d'un cours de sténo-dactylo. Papa m'avait laissé entendre qu'il me trouverait une place de secrétaire et il fallait savoir la sténo. J'ai essayé, mais comme tu me déconseillais cette place, j'ai lâché le cours. J'y étais trois fois. Par miracle, j'y ai rencontré une jeune fille, une jeune femme plutôt. Enfin, elle a 3 ans de plus que moi, qui vivait grâce à la gentillesse d'un type de 50 ans. Le type la considérait un peu comme sa fille. Il était veuf et il avait perdu une fille qui lui ressemblait. Toujours est-il qu'elle m'a ouvert son cœur et c'était triste. Je l'ai revue, je séchais les cours, je préparais des dessins d'avance, cruche et pivoine. Je n'aurais jamais osé t'en ouvrir la bouche avant qu'elle ne se soit décidée d'elle-même à quitter ce pauvre type, à faire place nette, à repartir à zéro. Elle m'adore, maman, et je l'adore, et tu l'adoreras. Et elle est libre, et notre roulotte à l'esprit large. Et mon rêve est de vous conduire chez elle, toi, papa Léo, dès demain. C'est ce soir qu'elle va dire la vérité au vieux. Il croyait qu'une sœur de province habitait chez elle, et il n'y venait plus. Il l'a rencontrée presque plus, il avait loué une garçonnière. Bien sûr, il ne peut pas être question de jalousie. C'est moins grave qu'une femme mariée. Seulement, à cause de toi, à cause de la maison, à cause de nous, je ne pouvais pas admettre un partage et une situation louche. Et cette personne t'a aidé, je veux dire, tu n'as jamais un sou en poche. Elle a dû t'aider. Oh, je ne peux rien vous cacher, Sophie. Elle m'a aidé pour des repas, pour des cigarettes, pour des voitures. Je suis heureux, heureux, Sophie, Sophie. Tu es heureuse. Yvonne, elle se retourne d'un bloc. Michel est effrayé par sa figure. Heureuse, Michel. Oh, alors voilà ma récompense. Voilà pourquoi je t'ai porté, fait, dorloté, soigné, élevé, aimé jusqu'à l'absurde. Voilà pourquoi je me suis désintéressé de mon pauvre Jordan. Pour qu'une vieille femme vienne te prendre, te voler à nous et te mêler à des micmacs ignobles. Michel, maman, ignoble. Et à te faire donner de l'argent. Je suppose que tu sais comment ça s'appelle. Mais maman, tu perds la tête. De quoi parles-tu, Madeleine est jeune. Voilà le nom. Mais je ne comptais pas te le cacher. Et tu croyais qu'il suffirait de me prendre par le cou, de me flatter. On ne me flatte pas, moi, pour que j'accepte avec le sourire que mon fils soit entretenu par l'amant d'une vieille femme à cheveux jaunes. Mais Madeleine a les cheveux blonds, tu tombes juste, mais pas jaune. Et je te répète qu'elle a 25 ans. M'écouteras-tu? Elle n'a aucun autre amant que moi. Ah, tu avoues. Qu'est-ce que j'avoue? Il y a une heure que je te raconte les choses en détail. Ah, je suis bien folle. Tu es une mère, Sophie, une vraie mère. Je te croyais une camarade, mais là, tu as assez répété. Je suis ta mère. La meilleure camarade n'agirait pas autrement que moi. Et il y a longtemps que ma neige dure. 3 mois de mensonges. De mensonges ignobles. Je ne t'ai jamais menti, maman, je me taisais. 3 mois de mensonges, de ruses, de calculs, de caresses hypocrites. Je voulais te ménager. Merci. Je ne suis pas de celle qu'on ménage. J'en ai aucun besoin. C'est toi qui es à plaindre. Moi? Oui, toi, pauvre petit imbécile, tombé entre les griffes d'une femme plus vieille que toi, d'une femme qui ment certainement sur son âge. Ben, tu n'aurais qu'à voir Madeleine, tu m'en gardes. Ta tante Léonie donne bien 30 ans. Tu ne connais pas les femmes. Je commence à les connaître. Je te fais grâce de tes grossièretés. Enfin, Sophie, pourquoi veux-tu que je cherche ailleurs ce que j'ai ici mieux que tout le monde? Quelle excuse aurais-je à m'adresser à une femme de ton âge? Il m'insulte! Moi, n'essaye pas de me tenir tête, mon bonhomme. J'ai peut-être l'air d'une vieille, mais j'en ai clair, je te materai. Un vieux pour le silence, on se laisse emporter, on gaffe, on se blesse. Trop commode, non, je parlerai, chacun son tour. Et moi, vivante, jamais tu n'épouseras cette ordure. Tu vas retirer ce mot, ordure. Il lui empoigne les épaules, elle glisse par terre sur les genoux. Relève-toi, maman, il n'y a plus de moment. Il y a une vieille qui souffre et qui va crier et qui ameutera l'immeuble. On entend des coups sourds. Tiens, la voisine de Léonie nous entendait, elle cogne. Je l'aurai, mon scandale, je l'aurai. Michel la rejette, l'écarte de ses vêtements auxquels elle s'accroche. Assassin, tu m'as tordu le poignet. Regarde tes yeux et les tiens. Ils me tueraient s'ils étaient des armes. Tu voudrais me tuer. Tu te dis vague. Assassin. Ah, je t'empêcherai de sortir. Je te ferai arrêter. J'ai pris de la police. Ah, à la fenêtre. Elle veut se relever et courir côté public. Michel la maintient. Jamais meuterai la rue. Elle ouvre la fenêtre et hurle. Arrêtez-le. Michel. Ma tante. Papa. La porte de Léonie s'ouvre. Léo. Elle enlace Yvonne. Yvonne. Yvonne la frappe presque. Veux-tu? Michel, de l'eau. Il s'élance vers le cabinet de toilette, entre et sort avec un verre d'eau inutile qu'il pose près du lit. Yvonne, ah, de l'eau sucrée. Il fallait pas la prendre, il fallait pas. Léo, fiche-moi la paix. Laisse-moi ouvrir la fenêtre, laisse-moi crier. Léo, la voisine tape, Yvonne, je m'en moque. Georges apparaît porte au fond à gauche. Georges, et moi je ne m'en moque pas. C'est la 20e fois que j'ai des ennuis à cause de notre tapage. On finira par nous mettre à la porte. Yvonne, elle se lève et se laisse mener sur le lit. À la porte, pas à la porte. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Georges, ton fils est un misérable. Il m'a insulté. Il m'a frappé. Michel, papa, c'est faux! Georges à Michel, viens chez moi. Michel à Yvonne, je parlerai à papa. Il y a des choses qu'on ne devrait dire qu'entre hommes. Il sort derrière son père et claque la porte. Yvonne, étouffant. Léo, Léo, Léo, écoute-le! Pour changer, la maison des portes qui claquent. Léo, tu écoutais à la porte, tu l'entendais. Ah, je ne pouvais pas ne pas entendre, je n'entendais pas tout. Léo, tu avais raison. Il aime une dactylo, je ne sais quoi de ce genre. Il nous lâchait pour elle, il m'a jeté par terre, il avait les yeux d'un monstre. Il ne m'aime plus. Mais il n'y a aucun rapport, si, Léo. Ce qu'on donne à l'un, on l'enlève à l'autre. C'est forcé. Un garçon de l'âge de Michel doit vivre et les mères doivent fermer les yeux sur certaines choses. Un garçon peut avoir une femme dans la peau. Je ne vois pas en quoi, tu ne vois pas en quoi. Tu ne vois pas en quoi. Et nous, les mères, nous ne les avons pas eues dans la peau et nous ont pas eues jusque dans les veines. Je l'ai portée dans mes veines et chassée de mon ventre, ma petite. Ce sont des choses dont tu ne te doutes même pas. C'est possible. Mais il faut faire quelquefois un formidable effort sur soi-même. Tu as beau jeu. Y parviendrais-tu si tu étais en cause? J'ai connu cet effort. Tout dépend des circonstances. Les circonstances étaient assez épouvantables. Vous vivez dans la lune, c'est entendu, mais votre égoïsme, ton égoïsme, dépasse les bornes. Mon égoïsme? Qu'est-ce que tu crois donc que je fais dans cette maison depuis 23 ans, pauvre aveugle, pauvre sourde? Je souffre. J'ai aimé Georges et je l'aime, et je l'aimerai sans doute jusqu'à ma mort. Quand il a rompu nos fiançailles, sans le moindre motif, par caprice, et qu'il a décidé que c'était toi qu'il devait épouser, et qu'il m'a consulté avec une inconscience incroyable, j'ai fait semblant de prendre ce coup de massue à la légère. Me buter, c'était devenir malheureux, t'éloigner, c'était le perdre. Et sottement, je me suis sacrifié. Oui, si incroyable que cela paraisse, j'étais jeune, éprise, mystique, idiote. J'ai cru qu'étant plus de sa race, tu serais une épouse, une mère meilleure que moi. Je me mariais le désordre avec le désordre. Je me suis voué, outre le legs de notre oncle, que je pouvais vous servir de loin, à servir votre roulotte et à vous la rendre habitable. Que suis-je depuis 23 ans, je te le demande. Une bonne. Léo, tu me hais? Non, je t'ai haï, pas au moment de la rupture. L'idée du sacrifice m'exaltait, me soutenait. Je t'ai haï. Parce que tu es maître Michel et que tu délaissais Georges. J'ai quelquefois été injuste envers Michel parce que je rendais sa présence responsable. C'est drôle. Je t'aurais peut-être détesté si vous aviez réussi à être un bon ménage. Non, j'ai pour toi un sentiment qui ne s'analyse pas et qui ressemble à une habitude du cœur. Tu n'es pas méchante, Yvonne. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas humaine et tu fais le mal sans t'en rendre compte. Et vous ne vous apercevez de rien. De rien! Vous traînez de chambre en chambre, de tâche en tâche, d'ombre en ombre, vous gémissez du moindre malaise et vous vous moquez de moi, s'il m'arrive de me plaindre de quoi que ce soit. Tu te souviens de ce vomitif que Michel a trouvé dans ma chambre et qui vous avait tant fait rire il y a 6 mois? Malgré ma santé bien connue, j'étais cœuré, malade, je croyais digérer mal, c'était le foie. Je me faisais de la bile, comme on dit, et comme on a raison de le dire, et le foie se détraquait à cause des nerfs, et les nerfs à cause de Georges. Oui, je flairais un départ de collégien sur les pointes, et je t'en voulais de ne rien deviner et de ne pas empêcher Georges de partir. Et je savais que Georges essayait d'attraper une fausse chance et n'y arrivait pas. Et quand Michel, sans s'en rendre compte, il est aussi aveugle, aussi égoïste que vous, a imité son père et a pris le large, je n'ai pu m'empêcher de te parler, de te mettre en garde. Pas par esprit de roulotte, Léo. Tu étais contente. Michel vengeait Georges. Voilà ton inhumanité, ta méchanceté, tes coups de couteau par derrière. Oh, je ne vois pas si loin. Tant mieux si Michel reçoit l'argent de cette femme. Cela vous apprendra peut-être à ne pas laisser un homme dehors avec de quoi s'acheter un sucre d'orge. Tant mieux si Michel épouse une grue. Tant mieux si votre roulotte se renverse, démantibule et pourrit dans le fossé. Tant mieux. Je ne ferai pas un geste pour vous secourir. Pauvre Georges. 23 ans et la vie est longue, ma petite. Longue, longue, longue. Et... Elle sent que Georges entre dans son dos et elle enchaîne sans transition d'une voix très féminine. Longue et la veste courte. Et si tu ôtes la veste, tu es en robe décolletée et tu peux aller n'importe où le soir. Yvonne, d'abord stupéfaite, voit Georges. Georges, vous pouvez parler robe, vous avez de la chance. Et qu'est-ce que tu as, tu es vert? Je viens d'entendre Michel. Eh bien, il regrette de t'avoir serré le poignet, il regrette vos cris. Il aimerait te voir. C'est tout ce qu'il regrette, Yvonne. Il aimerait te voir, il a de la peine, ne l'oblige pas à te demander pardon ou autre sottise. C'est assez grave, je resterai près de Léo. Je voudrais que tu sois un peu seul avec Michel et dans sa chambre. Je t'en prie, Yvonne. Tu aiderais Michel et tu m'aiderais. Je suis mort de fatigue. J'espère que Michel n'a pas su t'entortiller, te convaincre. Écoute, Yvonne, je te le répète, il ne s'agit pas de convaincre ou de ne pas convaincre. Cet enfant aime, ce n'est que trop certain. Ne lui parle de quoi que ce soit, ne l'interroge sur quoi que ce soit. Il est à plat ventre sur une pile de linge sale, Assieds-toi près de lui et donne-lui la main. Léo, c'est la sagesse. Yvonne à la porte. J'irai, à une condition. Georges, vas-y, sans condition. Il l'embrasse et la pousse dehors, porte au fond à gauche. Léo, Georges, tu es défait? Qu'y a-t-il? En vitesse, Léo. Ils peuvent revenir d'un moment à l'autre. Tu m'effraies, y a de quoi? Je viens de recevoir l'immeuble sur la tête. De quoi s'agit-il? De Michel? De Michel. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun vaudeville, aucune pièce de la biche mieux agencée que ce drame. Mais dépêche-toi, Georges! Georges! Ah oui, je ne savais plus où je n'étais. Pardonne-moi, Léo, j'ai fait une folie et je la paye très cher. Il y a 6 mois, je croyais avoir besoin d'une sténodactylo, on me donne une adresse, je tombe chez une jeune personne de 25 ans, malheureuse, belle, simple, parfaite. Je me sentais très seul à la maison, toi, tu cours à droite et à gauche, Yvonne ne songe qu'à Michel, Michel, enfin bref, sous un faux nom, j'invente que je suis veuf, que j'avais une fille qui était morte, qu'elle lui ressemble. Pauvre Georges, comment t'en vouloir, tu cherchais un peu d'air. Ici, on étouffe. J'invente jusqu'à ne jamais lui ouvrir la bouche de mes marottes. Elle me dit qu'elle m'aime, que les jeunes sont des mufles, etc., etc. Au bout de 3 mois, elle change d'attitude. Une sœur de province habite chez elle. Une sœur mariée, dévote, sévère. Je t'emprunte une assez grosse somme. Je m'en doutais. À qui me confier sinon à toi? La somme qui devait servir à mon travail sert à louer un rez-de-chaussée lugubre. La personne espace ses visites. Je me trouve empêtré dans des mensonges et dans un malaise noir. Tu devines le reste. La sœur était un jeune homme qu'elle aime et le jeune homme, c'est Michel. Je viens de l'apprendre de sa propre bouche. Se doute-t-il de rien? Il est en extase. Mon effondrement a été mis sur le compte de celui de sa mère. Et que te voulait-il? Madeleine, puisque Madame Ilia m'avait donné rendez-vous ce soir. Je viens d'être renseigné par Michel. C'était, comment dirais-je, pour te signifier ton congé. Et m'avouer tout, paraît-il. Avouer tout à Monsieur X pour être libre, propre, digne l'un de l'autre. J'en crèverai, Léo. Je suis fou d'elle. Et que comptes-tu faire? Ah, je te le demande. Je me suis décommandé ce soir. Je comprends maintenant pourquoi la roulotte gardait un faux air d'ordre. Lorsque l'un sortait, l'autre était là. Mon pauvre Georges. J'ai encaissé honte sur honte. Michel disait le vieux. Il m'a avoué que Madeleine l'aidait. Avec ton argent. Le tien. Ah, ici, il sort s'amuse. Il vaut mieux que nos sous rentrent dans la poche de ton fils. Et soyons justes, cela t'apprendra qu'on ne lâche pas un garçon de cet âge sans un centime dans les rues de Paris. Je regrette mon ridicule et il t'empêche de voir que j'ai mal. Mon Georges, je t'aiderai. Comment? Il est indispensable de fraquer un coup dur, de te venger et de rendre ce mariage impossible. Michel veut que la roulotte aille au grand complet demain chez la jeune femme. Il faut y aller. Tu es folle! Je suis raisonnable. Yvonne n'acceptera jamais. Elle acceptera. Et la scène? Tu te représentes la scène? J'entre. Ah, la petite avalera sa langue plutôt que de révéler à Michel. En me voyant, elle risque de s'évanouir, de pousser un cri. Je m'arrangerai. Frappe dur. Elle le mérite, Léo. Romps le premier. Et si elle refuse de rompre avec Michel, menace-la de dire tout. Es-tu le diable? Je t'aime beaucoup, Georges. Et je veux protéger ta maison. Et Yvonne, jamais, au grand jamais... Tais-toi. Yvonne approche. Tu as de grandes oreilles, Léo. C'est pour mieux empêcher qu'on te dévore, mon enfant. La porte au fond à gauche s'ouvre. Yvonne paraît. Georges, eh bien. Yvonne, nous n'avons pas prononcé une parole. Je lui serrai la main comme il gémissait et retirai sa main. Il avait l'air de vouloir rester seul. Je suis sorti de sa chambre. Je suis brisé, je flotte, Je voudrais dormir et je ne pourrais pas dormir. Qu'allons-nous devenir? Il est évident que Michel n'est pas dans son état normal. Il est sous une influence néfaste qu'il détraque, Léo. Il faut la connaître, cette influence. Yvonne, je compte sur Georges pour faire preuve de caractère une fois au moins et pour trancher dans le vif. Georges, trancher dans le vif est une phrase. Yvonne, Mick n'aime pas cette fille. Il croit l'aimer, c'est sa première amourette. Il s'imagine être en face de l'amour idéal, éternel. Léo, s'il l'imagine, c'est comme s'il aimait. Yvonne, pardon. Cela deviendra des dessins, des promenades, des songes. Il guérira d'une idée fixe. Je connais mon Mick. Tu le connaissais? Enfin, vous êtes incroyable. Voilà 22 ans que je l'observe. Une Madame X ne peut pas me le changer de fond en comble en 3 mois. Georges, pas en 3 mois, Yvonne. En 3 minutes, c'est justement le propre de l'amour. Yvonne, oh, si j'étais un homme. Je lui parlerais, moi. Je trouverais ce qu'il faut dire. Léo, c'est ce que Michel demande, Yvonne. Il n'espère tout de même pas que j'obéirai à ses ordres. Georges, qui parle d'ordre? Pourquoi prendre une attitude tragique? Yvonne! Voyons, voyons. Alors, si je comprends bien, vous prétendez, toi et Georges, je ne prétends rien. Enfin quoi, si. Vous envisagez comme possible que moi, j'accompagne Georges chez cette femme et que Léo ferme le cortège. Georges, une reconnaissance. Une simple reconnaissance chez l'ennemi. Yvonne, la roulotte au complet. La famille en bloc. Une visite de jour de l'an. Léo près d'Yvonne, elle l'immobilise. Autre chose, Yvonne. Notre pire souffrance n'est-elle pas de ne pouvoir imaginer l'endroit où ceux que nous aimons nous évitent? N'as-tu pas la curiosité de cet être chez lequel Mick te faisait du mal sans que tu puisses donner à ce mal aucune forme précise? N'as-tu pas la curiosité de toucher ton mal? Si un objet t'est volé, ne cherches-tu pas à te représenter où il se trouve? Chez cette voleuse! Et tu iras chez cette voleuse, Yvonne. Tu iras reprendre ton bien, tu accompagneras Georges, et je ne vous laisserai pas seul. Yvonne, la main sur les yeux, tombe sur le bord du lit assise et n'accepte que par sa pose, par son silence. Georges, je t'admire, Yvonne. Tu es toujours plus forte qu'on ne pourrait s'y attendre. Yvonne. Ou plus faible, Léo. Tu te crois faible parce que le j'irai ne te passe pas par la gorge. Yvonne. Si on m'avait dit hier, Léo, ton courage à toi, c'est de quitter ta chambre noire et d'aller au soleil. Tu appelles ça le soleil. Alors j'ai raison de préférer la nuit. Léo, soyez très très prudent dans votre manière d'annoncer à Mick cette nouvelle. Il peut flairer le piège. Georges, Léo, va le chercher. Décide-lui en lui annonçant une surprise. Léo, courage! Elle sort par la porte du fond. Yvonne, quel cauchemar! À qui le dis-tu? Si je vais chez cette personne, je m'éloignerai avec Léonie pendant que tu lui parles. Je te promets de lui parler tête à tête. Ne m'oblige pas à lui parler, Georges. Je m'emporterai, je n'ai aucune habitude de ce genre de femme, ni moi. À un certain âge, les habitudes sont difficiles à prendre. La porte au fond à gauche s'ouvre. Léo pousse Michel par le dos dans la chambre. Il a ses vêtements et ses cheveux en désordre, l'air sur la défensive. Léo, va. Georges, entre, Michel. Michel, que me veut-on? Georges, ta mère va te le dire. Michel entre et Léo referme la porte. Yvonne, la tête basse, elle parle avec effort. Mick, j'ai été dur et j'ai mal répondu à ta franchise, je le regrette. Ton père est très bon. Il m'a parlé, Mick, mon chéri, nous ne te voulons pas le moindre mal, tu le sais, au contraire, c'est ton bien que je cherche. Et je déteste être injuste. Tu nous as demandé une chose presque impossible. Mais laisse parler ta mère. Cette chose presque impossible, cette démarche que tu exiges de nous, Mick, nous avons décidé de te l'accorder. Nous irons chez ton ami. Michel, il saute jusqu'à sa mère. Sophie, papa, est-ce Dieu possible? Georges, oui, Michel. Nous t'autorisons à prévenir demain de notre visite. Michel, mais je rêve pour sûr, papa. Comment te remercier? Maman! Il veut embrasser Yvonne. Yvonne, elle se détourne. Ce n'est pas nous qu'il faut remercier. C'est ta tante, Michel. Toi, tante Léo. Il court vers Léo, la prend dans ses bras, la soulève et la fait tourner à toute vitesse. Léo. Hé, hey, ah, tu m'étouffes, Michel. Mick, quel ours. J'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est la roulotte. Rideau.